Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le fléau des armes aux États-Unis. Il y a 19 ans, on apprenait la mort de 11 lycéens et d'un professeur tués par deux gamins de 18 et 17 ans. Cette tuerie avait un nom, Columbine. Gus Van Sant en fit un film Elephant, puis Michael Moore réalisa un documentaire Bowling for Columbine qui reçut le 55e prix du Festival de Cannes, puis un Oscar et un César. Et pourtant, rien n'a changé aux États-Unis, d'Obama jusqu'à Trump. La NRA, la Ligue pour la vente libre des armes, reste toute puissante. Et ces meurtres de masse se répètent dans l'actualité américaine. Tuerie, fusillade, bon, seuls les noms des lieux changent. L'Amérique est malade des armes à feu. Et les chiffres le prouvent. En 2015, 353 fusillades ont été répertoriées aux États-Unis. Selon l'organisation Gun Violence Archive, 36 800 personnes ont été touchées par des tirs, 12 191 en sont mortes. Il y a désormais aux États-Unis plus d'armes à feu en circulation que d'Américains. Après Columbine, il y a eu Virginia Tech en 2007, 33 morts. Puis l'école primaire de Sandy Hook à Newton dans le Connecticut en 2012, 20 enfants et 7 adultes tués. Jusqu'au mois de février dernier, en Floride, la tuerie de Parkland, 17 morts et de nombreux blessés. Les lycéens ont décidé de lutter eux-mêmes. Oui, ils ont manifesté dans tous les États-Unis pour exiger du président Trump des mesures concrètes contre la prolifération des armes à feu. Voilà, nous en sommes là. Enfin, ils en sont là. Après le récit, nous évoquerons ce phénomène avec notre invité Didier Combeau, politologue, chercheur associé à l'Institut des Amériques, auteur des Américains des armes à feu aux éditions Belin et de Police américaine, son dernier livre, chez Gallimard. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Avril 1999, Little Town, lycée de Columbine, Colorado. À la fin de chaque cours, c'est le même ballet. Les couloirs se remplissent, on passe d'une salle à l'autre en attendant la prochaine sonnerie. Little Town est une ville perdue dans l'Amérique profonde, ni à l'ouest, ni à l'est, au centre de tout, au milieu de rien. Située à 10 miles de Denver, capitale de l'État, on l'atteint par la route 85, longue et large, où stations, essence et restaurants jalonnent le trajet, l'ennui à l'américaine. Un centre-ville, quelques vitrines de magasins, des propriétés plus ou moins riches et vastes, et une importante usine, celle du géant Lockheed Martin, deuxième groupe de défense américain. À Little Town, on ne fabrique aucun missile, aucun hélicoptère ou bombardier, juste des lanceurs de satellites. Soutien technologique indispensable à nos guerres modernes, celles où l'on tue à distance. À la une des informations ce matin-là, les images de Yougoslavie. À 9000 km de Little Town, des avions américains bombardent des positions serbes. Depuis plus d'un mois, en Yougoslavie, chaque jour, chaque nuit, le ciel s'alourdit du poids des missiles de l'OTAN, qui le 24 mars 1999 a lancé l'opération Allied Force, une action militaire de bombardement contre des cibles serbes. Depuis cette date, en moyenne, près de 400 fois par jour, des avions quittent les bases et frappent pour mettre fin à l'avancée des hommes de Slobodan Milosevic, coupables de mener une politique de purification ethnique contre les populations albanophones de la province serbe du Kosovo. Une bataille par les airs, high-tech, promise sans dommages collatéraux, selon l'expression consacrée qui consacre surtout beaucoup de cynisme. De cette guerre à Little Town, comme ailleurs, la télévision ne présente que les départs et les retours des avions et d'hélicoptères. Quelques bruits sourds et stridents de missiles qui quittent le sol, et puis des villes qui s'illuminent en pleine nuit à la lumière des explosions. Les États-Unis sont en guerre, pourtant celle-ci est lointaine, hors de portée. Comme eux, combien sommes-nous à avoir approché la guerre en vrai, à quitter nos maisons, à l'approche d'une armée, à voir la mort en face? Les champs de bataille extérieurs, les États-Unis ne l'ont presque jamais quitté depuis leur création, du Mexique au Vietnam, de la Somalie à l'Irak. Derrière ces interventions, une armada industrielle d'armement est présente sur tout le territoire américain. Seuls les quelques cercueils recouverts du drapeau étoilé rappellent de temps en temps aux familles les réalités de ces combats. Pour beaucoup, la guerre n'est que fiction, abstraction. On y joue, on tue pour de faux dans les films ou derrière les manettes de jeux vidéo. Pourtant, les armes, les vraies, tuent. là-bas, en Yougoslavie, comme en plein cœur des États-Unis. Good evening, everyone. The reaction of so many people today was, oh no, not again, another high school. Madame, Monsieur, bonsoir. De nouveau, la violence dans les lycées américains. Une fusillade dans un lycée de Denver au Colorado a fait plusieurs morts parmi les élèves. Dans la matinée, plusieurs inconnus cagoulés avaient ouvert le feu. Action News, Delaware Valley's leading news program with Cecily Kynan, Rick Williams, and Monica Malpass. Good morning. It is 5:30 on this Wednesday, April 21st, and here is the latest on that deadly shooting in Colorado. Ces jours-là, à Littletown, dans un lycée, deux élèves tirent sur d'autres élèves. Que s'est-il passé? Qui sont-ils? De quoi Columbine est-il le symptôme? Ce 20 avril 1999, quelques heures avant que la télévision du monde entier ne titre sur Columbine, la vie semble paisible et ordinaire. Comme chaque jour, près de 2000 élèves arpentent les couloirs de ce lycée typique des États-Unis, un vaste complexe de 2 hectares, avec plus de 75 salles de classe, un immense gymnase, une bibliothèque, une salle de cafétéria baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées et des espaces pour les ateliers de création artistique, photo, cinéma, théâtre, écriture ou peinture. Près de 120 enseignants encadrent et suivent quotidiennement ces élèves. Ce matin-là, deux d'entre eux sont absents, deux amis, Eric Harris et Dylan Klebold. Eric Harris, 18 ans, est un blond, visage fin, les cheveux en pique tenus par du gel. Il n'est pas de la région. Originaire du Kansas, il suit le fil des affectations de son père, officier de l'US Air Force. Littletown est sa dernière étape. Ses parents ont emménagé ici dès la retraite du père. Ses parents sont heureux, amoureux, on ne reconnaît aucun heurt, aucune addiction, problème de violence. À chaque départ, Eric dit au revoir à ses amis, en retrouve d'autres à son arrivée. C'est ainsi qu'il rencontre Dylan. Lui a 17 ans, il est grand, cheveux longs, nez large, front prononcé. Dylan est né dans la banlieue de Denver. Son père est un scientifique aux affaires fructueuses qui lui permettent d'avoir 3 grandes maisons avec piscine et terrain de tennis privé. Sa mère est éducatrice pour enfants handicapés. Second d'une famille chérie, sans besoin ni manque, c'est ce qu'on appelle un garçon sans problème. Dans 3 mois, pour Eric et Dylan, ce sera la fin du lycée. Où iront-ils? L'imaginent-ils seulement? Ce 20 avril 1999, vers 11h, les deux amis arrivent dans la voiture d'Eric. Ils se garent sur le parking des lycéens. Ils sortent. Habillés d'un pantalon noir, rangers aux pieds et lunettes de soleil, ils déposent 2 sacs à la cafétéria, puis attendent près de leur véhicule. Les 2 sacs contiennent 2 bombes à propane réglées pour exploser à 11h17. L'heure tourne, mais rien n'explose. Ils décident alors d'entrer dans le lycée, armes à la main. Sur leur route, déjeunant sur l'herbe, ils rencontrent Richard Castaldo et Rachel Scout. Premier coup de feu, première vie volée, celle de Rachel. Richard, lui, sera blessé grièvement et perdra l'usage de ses jambes. Ses premiers morts sont visibles de la cafétéria. Alors très vite, c'est la panique. Dave Sanders, un professeur, demande à tous les élèves de se mettre à l'abri sous les tables avant de monter les escaliers vers les salles de classe. Beaucoup d'élèves pourront partir à la première accalmie par la porte de sortie, tout simplement. Eric et Harris, eux, entrent dans les couloirs du lycée, tirent sur tout ce qui bouge, dont Dave Sanders, qui est touché. À l'extérieur, le premier policier sur les lieux arrive quelques minutes après le début de la fusillade. Protégé par sa portière, il échange quelques tirs avec les 2 adolescents qui le visent de l'intérieur du lycée. Au même moment, dans la bibliothèque, une enseignante, Patty Nelson, appelle les secours. Elle est la première à joindre le 911. Vous avez demandé à la police ? Je suis enseignante au lycée de Columbine. Il y a un élève armé. Il a tiré à travers une fenêtre, je crois. Au lycée de Columbine ? J'ignore ce que j'ai dans l'épaule, s'il s'agit d'éclats de verre ou autre chose. Y a-t-il des blessés autour de vous ? Oui, moi je le suis. Ok. Et dans l'école, c'est la panique. Je suis dans la bibliothèque. Couchez-vous, mettez-vous la tête sous les tables. Les enfants crient et pleurent. Les enseignants essaient de prendre le contrôle des choses. Nous avons besoin de la police ici. La conversation dure plusieurs minutes, puis... What's your name, man? Patty? À côté d'elle, il y a 56 élèves, un professeur et 2 bibliothécaires. Dylan et Eric y pénètrent vers 11h30 et demandent à tout le monde de se lever. Personne ne bouge, alors ils tirent. Beaucoup sont blessés, 9 sont assassinés, dont Kai Velasquez, Steven Kernow, Cassie Bernal, Isaiah Scholz. Mais qu'ont-ils fait, Eric et Dylan, pour mourir sous leurs balles? Comme Dylan et Eric sont entrés à Columbine à l'âge de 15 ans. Le lycée pour beaucoup est une expérience assez étrange où l'on devient indépendant sans quitter totalement les rives de l'enfance. C'est comme une grande répétition avant le grand saut vers l'inconnu, sans parents, sans professeurs, seul au monde. Alors derrière ces murs, chacun tient son rôle, imagine sa partition, met en place sa vie parallèle à celle de la famille et de la ville. On entre dans un groupe, on cherche une identité, on imagine un avenir. Sur la photo de classe de 1999 à Columbine, des dernières années, il est facile de repérer les amitiés, les bandes de copains, groupes de filles, rigolos, faillots, gros bras, timides, galerie habituelle. À Columbine, comme dans de nombreux lycées américains, le haut panier revient aux sportifs, adolescents déjà grands, au corps structuré, futurs vedettes des terrains universitaires. Ce sont eux qui mènent la danse aux bras des jolies filles. C'est le conte américain qu'on dicte et qu'on sert dans toutes les séries idiotes et ennuyeuses dont les Américains ont le secret. Sur cette photo de classe, Eric et Dylan sont tout en haut, à droite, du cadre. Casquette, lunettes de soleil, ils simulent avec leurs bras et avec deux acolytes et une fille le port des armes. Dans le lycée, Eric et Dylan sont à l'image de cette photo de classe, à la marge. Bon, ils ont des amis, mais ne sont pas les plus populaires. Ils sont intelligents, mais pas les plus brillants. Tout cela semble ordinaire, et pourtant, derrière ces étiquettes qu'on colle, chacun a ses particularités, ses ruptures. D'Eric, on dit qu'il est violent. De Dylan, qu'il est dépressif. Bien, mais pourquoi le sont-ils? C'est comme ça, c'est tout. Mais cette vie banale leur vaut de temps en temps moquerie et attaque sans que cela ne pose problème à personne. Ces brimades sont-elles automatiques? Des anciens élèves l'ont affirmé après la tuerie, mais plus tard, quelques articles relativiseront ce statut de paria. En tout cas, ces brimades les blessaient sans doute énormément, comme le montre leur film. Eric et Dylan aimaient l'image et la caméra. Dans leur chambre, on retrouve de nombreuses cassettes vidéo où les deux amis jouent aux acteurs et aux cinéastes. Ils rêvent peut-être de devenir un jour les nouveaux Tarantino. En tout cas, comme les maîtres du moment, leurs courts-métrages se déroulent dans des contextes guerriers où il faut tirer. Dans l'un de leurs films, ils jouent le rôle de deux justiciers armés qui viennent au secours d'un élève maltraité. Sur ces images, on les voit défiler dans les couloirs, habillés de noir, secourir cet enfant. Mais pour mettre fin à ces brimades, ils tuent l'agresseur, puis l'agressé. À la fin du tournage, les deux amis, face caméra, crient toute la haine qu'ils portent en eux. Jouent-ils encore? Écoutez-les. No, you goddamn piece of punk ass shit! Espèce de misérable pourriture, n'emmerde pas ce gamin. Si tu continues, je t'arrache ta putain de tête et te l'enfonce si profond que tu vas tousser de pellicule pendant 4 mois. Up your freaking ass, you'll be coughing up dandruff for 4 freaking months! Eric Harris fait de même et parle d'armes. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, si tu le touches encore une fois, je vais te buter. Fais sortir mon flingue et exploser ta putain de tête. Tu piges, espèce de tas de nerfs. You little worthless piece of crap! En plus de ces films, l'un comme l'autre tiennent de petits carnets, cahiers intimes où ils griffonnent des mots et des dessins chargés de colère. Eric Harris est sans doute le plus torturé des deux adolescents. Sous la plume, la haine est quotidienne et la violence le plonge dans un monde de science-fiction où il serait un défenseur super-héros sanguinaire du nom de Red, comme les jeux vidéo déjà à la mode ces années-là, comme Doom ou la série Wolfenstein. À côté de ces dessins, on voit parfois apparaître des croix gammées. Il parle de vengeance et de sélection naturelle. Cette haine, on l'observe également sur le site web dédié aux jeux vidéo Doom, qu'il utilise parfois pour écrire sur sa vie au lycée, sur sa famille et sur ce qu'il déteste. Dans certains posts, il menace des élèves de mort, comme Brooks Brown, qui prévient ses parents de ses menaces publiées sur le web. Alors il porte plainte, les policiers prennent note, mais aucune alerte n'est lancée. Pourtant, Eric et Dylan ne sont pas des inconnus des flics du coin. Au début de l'année 98, ils sont arrêtés en flagrant délit de vol de matériel dans le van d'un électricien. N'ayant pas de casier judiciaire, ils sont condamnés à suivre un programme de réinsertion. Tout se passe bien, l'un comme l'autre exécute les tâches. On ne signale aucun trouble. Les éducateurs, comme leurs parents, ne se doutent de rien. Pourtant, un an après la plainte des parents Brooks et du programme de réinsertion, les deux copains jouent avec d'autres camarades avec des fusils à pompe, oui, des fusils à pompe, dans une forêt. Oh, Michel ! Les flingues, c'est dangereux quand tu scies le canon. Déjà, c'est illégal et de vilaines choses peuvent arriver. Dis non aux armes à canon scié. Tout cela est sans doute banal, une fois de plus. Aux États-Unis, chaque jour, des adolescents doivent chipper les revolvers ou fusils des parents pour tirer quelques balles. En 1999, à Little Town, au Colorado, pour acheter un revolver ou un fusil, il suffit d'aller au supermarché, car c'est bien connu, tout se vend, tout s'achète, de l'autre côté de l'Atlantique. À côté des vêtements et des accessoires de sport, vous pouvez choisir un revolver ou un fusil. À l'époque, si vous êtes résident de l'État âgé de 18 ans et que vous répondez sur l'honneur à quelques questions du type « Êtes-vous sain d'esprit ? Avez-vous un casier judiciaire ? Êtes-vous en fuite ?» Eh bien, le revolver est à vous. Si vous n'êtes pas résident de l'État, on vous propose un fusil. C'est moins chic, mais ça fait l'affaire. Un mois après les tests dans la forêt, Dylan débarque à Columbine, muni de plusieurs couteaux, d'un fusil et d'un pistolet semi-automatique 9 mm. Eric, lui, a une carabine, un couteau de chasse et un fusil à pompe de calibre 12 mm. C'était vraiment comme une guerre. On a couru jusqu'à ce bureau, on a barricadé la porte, on a mis une armoire derrière et les deux bureaux des profs dessus. C'est un tout petit bureau en longueur, mais très étroit. On était 60 personnes. On entendait les coups de feu des fusils à pompe. On sentait les murs qui tremblaient, c'était juste de l'autre côté du mur. On avait l'impression qu'ils allaient entrer dans la pièce et on ne pouvait pas en être sûr. On entendait seulement les coups de feu et on était sûr qu'ils étaient en train de tirer sur tout ce qui bougeait. Well, you've heard President Clinton's voice many times. Good evening, everyone. The reaction of so many people today was, oh no, not again. Another high school. One moment is all it takes. Good morning. It is 5:30 on this Wednesday, April 21st, and here is the latest on that deadly shooting in Colorado. Dès l'annonce de la fusillade à Columbine, les journaux des chaînes locales et nationales cassent l'antenne pour raconter, minute après minute, la fusillade. La guerre en direct, en plein cœur des États-Unis. En attendant l'arrivée des caméras sur place, chaque chaîne diffuse des appels de lycéens et lycéennes barricadés dans des salles à attendre et entendre au loin la folie d'Eric et Dylan. En plus des armes, les garçons sont munis d'explosifs. 99 seront retrouvés. Leur but initial était de faire exploser deux bombes disposées dans la cafétéria et d'abattre tous les élèves qui sortiraient dans la panique. Fabriquées dans leur chambre, grâce à des croquis et des modes d'emploi trouvés sur le net, ces bombes au propane n'exploseront jamais. Seules les petites bombes tuyaux qui s'allument une par une fonctionnent. Ils tuent, ils blessent, ils effraient et observent l'arrivée des policiers à l'extérieur. De temps en temps, ils tirent à travers les vitres en direction des voitures de police, tout en poursuivant leur marche macabre à l'intérieur du lycée. À un moment, ils tentent une nouvelle fois de faire exploser les bombes de la cafétéria, mais sans succès. Vers midi, ils remontent vers la bibliothèque. Les survivants et blessés ont quitté les lieux, seuls les cadavres des 9 élèves sont là. Eric et Dylan tirent de nouveau vers l'extérieur. Puis, à 12h08, ils se suicident l'un après l'autre, l'un d'une balle dans la bouche, l'autre dans la tête. La fusillade a duré 47 minutes. En attendant, dehors, la panique continue. Personne ne sait qu'Eric et Dylan sont morts, eux aussi. Une heure plus tard, les premiers hommes du SWAT, qui correspond un peu à notre raid français, pénètrent dans le lycée. Classe par classe, scrupuleusement, ils sécurisent les lieux. Ils n'atteindront la bibliothèque qu'à 15h30, soit plus de 3 heures après la fin des tirs des deux assaillants. Et ce sont ces tirs qu'on entend sur les images de la télé. Les caméras ont filmé la panique, mais Dylan et Eric étaient déjà morts à leur arrivée. Le mode opératoire, prudent et long des SWAT, sera mis en cause, justement, lors de l'enquête. S'ils étaient intervenus plus tôt, des vies auraient été sauvées, peut-être. Et pourquoi ces deux adolescents sont-ils devenus des meurtriers? Pourquoi ont-ils tué certains de leurs camarades et épargné d'autres? Dès la fin de la tuerie, partout, on essaie de comprendre. Dominique Derda, correspondant de France 2, au téléphone le soir même, fait le point sur les premiers éléments de l'enquête. Alors on parle de cette mafia, une mafia en trench coat, de quoi s'agit-il précisément? Eh bien écoutez, selon certains élèves qui ont échappé à la tuerie, les preneurs d'otages appartenaient à une bande qu'ils avaient eux-mêmes baptisée la mafia au trench coat. Au total, dans cette école d'à peu près 1800 élèves, ils devaient être 8 ou 10 au grand maximum, vous voyez que c'est pas beaucoup. Ils ne faisaient pas vraiment régner la terreur, en tout cas jusqu'aujourd'hui, ils restaient plutôt à l'écart des autres enfants. C'était des marginaux, des adolescents qui avaient 17 ou 18 ans et qui... visiblement, on trouvait là une manière très spectaculaire d'exprimer à la fois leur rejet de la société et sans doute de régler quelques comptes avec cette école dans laquelle ils ne devaient pas se sentir forcément très bien. On parle de la bande du trench coat, de gothique, de fans du chanteur de hard rock Marilyn Manson, du choix de la date du 20 avril, date de naissance d'Hitler. Ce sont les premières explications livrées à chaud par les journalistes du monde entier pour inscrire ce drame dans un semblant de réel. Pourtant, aucune bande n'existait, aucun lien avec une adoration d'Hitler n'a été prouvé, et Manson n'était pas la bande originale de leur vie. Certes, ils jouaient aux jeux vidéo, ils regardaient des films et la télévision, mais leurs victimes aussi, sans doute. Deux ans après le drame, le rapport d'une commission lancée par le gouverneur Owens et dirigée par un ancien juge de la Cour suprême du Colorado éclaire quelques points de cette tuerie. Elle n'est en rien un excès de folie ou une pulsion meurtrière. Non, c'est un plan minutieusement préparé. Entre l'achat des armes et la fabrication de plus de 99 engins explosifs, Eric et Dylan ont mis sans doute un an à préparer cette attaque. Dans leur carnet, on découvre que l'opération était orchestrée à la minute près. Le clou du spectacle, si je puis dire, aurait dû être l'explosion de la voiture en plein milieu du parking, là où les premières forces de l'ordre ou les premiers secours se seraient sans doute postés. Le soir même, après les cris des survivants, les larmes des parents ou des amis des victimes, Bill Clinton prend la parole. Ce soir, nous devons d'abord aux gens de Littleton, aux familles touchées par cette tragédie, de respecter le deuil qui les frappe. Il faut aussi leur laisser le temps de mener l'enquête. Nous, nous avons une responsabilité à assumer, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que 1999 ne ressemble pas à l'année passée, pour que cette épidémie s'arrête enfin. Nous devons parvenir à rendre plus efficaces les actions de prévention. J'aimerais vous en dire plus encore, mais ce soir je ne trouve plus les mots. Comme réponse, dans toute l'Amérique, la sécurité à l'école est renforcée. On installe des détecteurs de métaux à l'entrée des établissements. La fouille des sacs est obligatoire et des gardes de sécurité armés sont présents dans les couloirs de l'établissement. Face à la lenteur de l'intervention des SWAT, une nouvelle tactique d'approche a été mise en place en cas de fusillade. Mais un débat reste ouvert et, plus que jamais, celui de la vente des armes. Quelques jours après le drame, des membres du NRA, National Rifle Association, le plus important lobby américain de vente d'armes, se rend à Denver, à quelques kilomètres de Columbine. Dans la rue, des manifestants protestent contre le NRA et la présence de ses membres dans la ville. L'un des pères de victimes prend la parole lors de ce rassemblement pour le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore. Je suis ici aujourd'hui parce que mon fils Daniel aurait voulu que je vienne. Si mon fils ne comptait pas au nombre des victimes, il serait ici, avec moi. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce pays. Quand un enfant peut prendre une arme, prendre une arme aussi facilement et tirer une balle dans le visage d'un autre enfant, comme c'est arrivé à mon fils, il y a un problème. Mais le moment est venu de comprendre, enfin, qu'un Tech 9 semi-automatique à 30 coups comme celui qui a tué mon fils ne sert pas à chasser le cerf. Il n'est d'aucune utilité. Il est temps d'aborder ce problème. Eric et Harris, c'étaient des enfants d'Amérique, de la classe moyenne, sans drame familial, pas des stars à l'école, mais peut-être pas non plus les losers de la classe. Trois jours avant la tragédie, au bal du lycée, Dylan était au bras de Robin Anderson, costumé de papillon. Alors, en se suicidant, Eric et Dylan sont partis avec leurs secrets, leurs peines et leurs démences. Et si la folie n'avait pas d'âge ? Columbine n'est pas le seul drame des années 90. Avant Eric et Dylan, il y eut Luke Woodham, 16 ans. Le 1er octobre 1997, il tue deux élèves dans son école du Mississippi. Citons également Kip Kinkle, qui en mai 1998 à Springfield, tue deux élèves et en blesse 25 autres après avoir assassiné ses parents. Ou encore ces deux collégiens de 11 et 13 ans à Jonesboro, qui le 24 mars 1998 déclenche l'alarme du collège, patiente dans la cour de récréation et tire quatre élèves et un professeur sont tués. Le 19 juillet 2012, à 30 km de Little Town, dans un cinéma, James Egan Holmes, 24 ans, tue 12 personnes et en blesse 58 lors de la première du nouveau Batman, The Dark Knight Rises. Comme à chaque fois, le président a pris la parole, salué la mémoire des disparus, transmis ses condoléances, sans jamais pouvoir promettre que cela ne recommencera pas. C'est ainsi. Et si la folie était collective ? Le 18 juin dernier, à la suite de la tuerie de l'église de Charleston, qui fit 9 morts, Barack Obama s'interroge une nouvelle fois sur ce mal qui ronge son pays. But let's be clear. Soyons clairs. Il va bien falloir reconnaître un jour que ce genre de tuerie de masse n'a pas lieu dans les autres pays développés. Elles ne se produisent nulle part ailleurs à une telle fréquence. Et nous avons les moyens de changer ça. Il va falloir que les Américains s'en rendent compte un jour, que nous soyons collectivement capables de changer notre façon de voir la question des armes à feu. 4 mois plus tard, le 2 octobre dernier, le reprend la parole après la tuerie au campus universitaire de l'Oregon qui fait 9 morts. Nous sommes devenus insensibles à tout ça. On a parlé après Columbine, Blacksburg, Truscott, après Newton, Aurora, Charleston. À chaque fois que ça se produit, je répète que nous avons les moyens d'agir, mais que nous allons devoir changer les lois. Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. J'ai besoin d'avoir le soutien du Congrès, des législateurs et des gouverneurs. Combien de morts faudra-t-il encore pour que cesse cette épidémie? Est-ce que le prochain président aura le pouvoir de limiter ce mal qui ronge ce pays? Et surtout, le voudra-t-il? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le drame de Columbine, le fléau des armes aux États-Unis. Notre invité, Didier Combeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes l'auteur des Américains et des armes à feu, et un autre livre, puisqu'il y a ce dernier livre chez Gallimard qui, lui, s'intitule Police américaine, et vous êtes aujourd'hui chercheur associé à l'Institut des Amériques. Alors, quand je dis le fléau des armes, évidemment, on pense aux victimes, on se pose pas en moraliste européen. Ça nous renvoie quand même, nous, à la chance d'avoir légiféré dans le sens inverse, dans l'interdiction des armes. Ça nous fait prendre conscience qu'on a cette chance-là et que les Américains, eux, sont face à un vrai problème. D'ailleurs, quel enjeu de société cela représente aujourd'hui aux États-Unis, la question des armes, et quel enjeu politique ça représente également ? Alors, c'est un enjeu très important dans la mesure où, effectivement, comme vous l'avez dit dans le reportage, il y a un nombre de victimes des armes à feu aux États-Unis qui est énorme par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres pays. Mais surtout, les différents groupes sociaux ne sont pas touchés de la même manière. En France, on a environ 2 à 3 personnes pour 100 000 qui sont tuées chaque année par arme à feu. Aux États-Unis, c'est 10 pour 100 000, donc c'est déjà beaucoup plus. Ah oui. Mais si l'on prend les hommes, ils sont beaucoup plus touchés que les femmes. Les hommes blancs, c'est environ 16 pour 100 000. Alors c'était 2 en France, 10 en moyenne, 16 pour les hommes. Mmh. Mais pour les hommes noirs, entre 20 et 29 ans, c'est 90 pour 100 000. Donc ce sont des proportions qui n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît ailleurs. Et on parle beaucoup des fusillades scolaires, hein, tout particulièrement depuis Parkland qui nous a rappelé Columbine. Et effectivement, ces fusillades scolaires, elles sont très nombreuses puisqu'il y en a eu 63 depuis la fusillade de Newtown, donc en 5 ans, à peu près une par mois. En milieu scolaire, qui n'ont pas fait autant de victimes, hein, bien sûr. Mais ces fusillades scolaires ne représentent que 3% des victimes. Les fusillades en général, pas seulement les fusillades scolaires, hein, les fusillades qui font plusieurs victimes, oui, ne représentent que 3% des victimes. Les tueries collectives, quoi. Voilà, les tueries collectives. Ce sont des conflits de personnes, c'est ça, hein? Exactement, ce sont de simples conflits qui tournent mal parce qu'il y a une arme disponible. Mmh. On rappelle quand même, pour ceux qui sont jamais allés aux États-Unis et qui auraient quelques fantasmes, qu'on peut aller évidemment parfaitement dans ce pays sans prendre le moindre risque, on ne se fait pas tirer dessus dans la rue, hein. Ce sont des conflits qui arrivent entre des personnes dans les quartiers essentiellement défavorisés, vous l'avez dit. Et ça aussi, ça nous renvoie au fait que si en France, les gens avaient des armes, il y aura la même chose, exactement. Tout à fait, on a vu ce jeune à Parkland qui était un jeune à la psychologie troublée. Alors, il y a eu toute une polémique ensuite parce que il y avait des signes, il s'était pris en photo sur les réseaux sociaux avec des armes, il avait proféré des menaces, donc il y avait des signes et rien n'a été fait malgré ces signes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un lycée de 1000 ou 2000 élèves comme celui de Parkland, dans tout lycée, on va avoir des jeunes qui vont avoir ces profils troublés et qui vont pas forcément passer à l'acte. Donc, et en France, on a des jeunes qui ont des profils troublés également, mais le risque est bien moindre parce qu'il est beaucoup plus difficile de se procurer une arme à feu. Bien sûr. Alors, il aura fallu attendre ce mois de février et ce nouveau massacre en Floride, à Parkland, que vous venez d'évoquer. J'en profite aussi pour rappeler à nos auditeurs qu'évidemment, le récit qu'ils ont entendu aujourd'hui, c'était la rediffusion de la semaine, hein, avec un invité en direct, mais la rediffusion de la semaine, parce qu'il y avait des repères temporels qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Je reviens à ma question. Après Parkland, les lycéens eux-mêmes ont manifesté et pris en main finalement la lutte contre le lobby des armes et forcé Trump à réagir. Est-ce que c'est un tournant, ça ? C'est ce que l'on entend souvent dans la presse. Moi, j'en suis pas absolument persuadé parce que c'est vrai qu'on voit une mobilisation importante et que la spécificité de cette mobilisation, c'est que ce sont vraiment les jeunes qui sont mobilisés. Ce sont des jeunes de 16, 17, 18 ans qui viennent parler dans la presse, qui agissent sur les réseaux sociaux, qui ont organisé cette grande manifestation au mois de mars à Washington. Cela dit, il y a toujours eu des mobilisations après ces tueries, après la tuerie de Columbine, c'était les maires qui s'étaient mobilisés. Et il y avait eu une marche sur Washington de la même manière. Alors, c'était pas les jeunes, c'était les maires. Et c'était la Million March, et il y avait effectivement à peu près 1 million de personnes qui s'étaient déplacées. Donc, il y a eu des manifestations également très importantes. Alors, cette fois-ci, effectivement, ce sont des jeunes. Il y a l'effet réseaux sociaux, mais l'effet réseaux sociaux, c'est qu'il y a, une forte mobilisation instantanée, en quelque sorte. Mais est-ce que cela va tenir au fil du temps? C'est pas tout à fait certain. Vous souvenez qu'il y a quelques années, il y a eu ce hashtag Black Lives Matter contre les violences policières. Et on n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Donc on a un peu l'impression que les hashtags viennent se remplacer les uns les autres, se succèdent et permettent de mettre quelque chose sous les feux de l'actualité. Mais ça ne continue pas forcément très longtemps dans la durée et toute la question, ça va être de savoir s'il peut y avoir une mobilisation politique à partir de ce mouvement. En tout cas, on s'aperçoit que les efforts du cinéma, des documentaires, je pense à Michael Moore, hein, de la presse, après Columbine, sont restés sans effet, quoi. Ça, ça marche pas. Alors, ça marche fois-ci, pas. Par exemple, on a aussi George Clooney qui s'est mobilisé, qui a fait un don d'un demi-million de dollars pour ce mouvement, et Steven Spielberg qui a promis de faire la même chose, et d'autres. Mais effectivement, après Columbine, il y avait eu cette mobilisation, il y avait eu le film de Gus Van Sant dont vous avez parlé, il y avait eu surtout ce documentaire de Michael Moore, et néanmoins, il n'y a eu rien ne s'est passé au niveau fédéral depuis, et au niveau des États, il y a plutôt eu une libéralisation des lois sur les armes que le contraire. Est-ce qu'on peut faire une géographie américaine de cette violence par les armes? Est-ce qu'elle est plus fréquente dans les États du Sud, par exemple, ou pas, ou au centre, Middle West? Alors, elle est surtout plus fréquente en milieu urbain. Quelle que soit la géographie, ils sont surtout dans les quartiers favorisés et malheureusement dans les quartiers afro-américains et dans une moindre mesure dans les quartiers hispaniques que le nombre de victimes est le plus élevé. Alors, les auditeurs doivent se dire, mais bon sang, pourquoi? À qui la faute? Pourquoi les Américains peuvent-ils toujours acheter librement des armes? Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs réponses, peut-être hiérarchisées. Est-ce que la vente d'armes, qui est une activité commerciale et industrielle, c'est la première réponse? Non, je le crois pas. Je le crois pas parce que l'industrie des armes, c'est-à-dire les fabricants d'armes, les fabricants de munitions et puis les commerçants, représentent quand même un secteur économique assez réduit. Si on le compare par exemple à l'industrie des cigarettes ou à l'industrie automobile, c'est une puissance financière qui est bien moindre. Et pourtant, le tabac est fortement réglementé et les automobiles encore plus. Quand vous achetez une voiture, il faut l'immatriculer, vous devez l'enregistrer. Si vous achetez une arme, vous n'avez pas à l'enregistrer. Pour conduire une voiture, il vous faut un permis. Dans certains États, il n'y a pas besoin de permis pour porter une arme et très rarement pour la détenir. Sauf le permis de tuer. Parce que ça revient à ça. Et donc, c'est l'explication, ça n'est pas l'explication financière. L'explication, elle est véritablement politique. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce qui fait que, quand on connaît les conséquences du port d'armes et de la vente libre, eh bien, on soit face à un pays développé, la première puissance du monde, pourtant, qui continue. Donc, effectivement, d'ailleurs, des raisons politiques, sociales et sociétales très profondes. C'est une arme à feu, c'est la portion de pouvoir que chacun peut avoir chez soi pour quelques centaines de dollars, pour presque rien. Des autocollants pour les pare-chocs qui existaient, on les voit un petit peu moins souvent maintenant, mais qui disaient « Dieu a créé l'homme et Samuel Colt les a rendus égaux ». Et c'est ça qui... Les Américains veulent pouvoir avoir des armes. Alors, pour l'autodéfense, parce que il est important pour les Américains, c'est presque une implication citoyenne de participer à la défense de sa communauté, éventuellement les armes à la main contre la délinquance. Oui, puis, ça c'est très démago. C'est surtout pour se défendre soi-même, non? Ce serait l'explication, non? Non, j'en suis pas sûr. Ah. Ça fait quand même partie. Il faut penser à tous ces groupes de voisins vigilants aux États-Unis. Que c'est mignon. Qui existent en France aussi. Si vous déplacez dans les campagnes, vous verrez de temps en temps des écriteaux de voisins vigilants, mais beaucoup moins quand même. Les Américains, c'est quand même une implication communautaire malgré tout. L'autre raison, c'est la possibilité de prendre les armes contre un gouvernement qui serait devenu tyrannique. Et c'est plus qu'une théorie, parce que c'est des choses que l'on voit très régulièrement. On l'a vu dans les années 60, lorsque le mouvement des Black Panthers se sont armés pour surveiller les agissements de la police qui étaient accusés de discrimination envers les communautés noires. On l'a vu encore il y a 2 ou 3 ans, des fermiers dans l'Oregon qui se sont retranchés les armes à la main parce que le gouvernement fédéral voulait installer une réserve naturelle sur leur terre et ils s'y opposaient. Donc c'est des zadistes en armes, quoi. Oui. En gros, des zadistes en armes. Tout à fait, des zadistes en armes, oui. Si, et effectivement, si on peut se demander s'il existait un mouvement comme les zadistes aux États-Unis, il serait probablement armé. Il y a de nombreuses milices qui existent un petit peu partout aux États-Unis. Alors c'est fort éclairant et fort intéressant ce que vous dites, Didier Combeau. Est-ce que ça explique aussi la raison pour laquelle la vente d'armes et la possession légitime d'une arme par un citoyen américain est inscrite dans la Constitution ? Tout à fait, oui. Et elle est inscrite dans la Constitution parce que cela fait partie du système de poids et de contrepoids de la démocratie américaine. Ce second amendement, il fait partie des 10 premiers amendements qui ont été adoptés immédiatement après l'adoption de la Constitution et qui visait à rééquilibrer les pouvoirs entre le gouvernement fédéral d'une part et d'autre part les différents États, les 13 États à l'époque, les 50 États aujourd'hui, et les citoyens. Et donc, l'objectif de ces 10 amendements, c'est d'ouvrir des droits aux citoyens et aux États fédérés. Depuis quand cette dimension de l'amendement est-elle source de débat aux États-Unis ? Alors, depuis à peu près les années 70, lorsque les premiers groupes de pression pour la réglementation des armes se sont constitués. Depuis un certain temps déjà, la NRA, depuis les années 20 ou 30, mettait en avant cet amendement pour dire le droit aux armes existe. Mais cet amendement, il est assez complexe. Il est assez court, mais il est assez complexe parce que il dit une milice bien organisée, ce qui veut dire une armée de conscription, étant nécessaire à la sécurité d'un État libre. Et là, on parle des 50 États. D'accord. Le droit aux armes ne sera pas entravé. À l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, les citoyens étaient censés rejoindre cette armée de conscription de leur État avec leurs propres armes. Et donc, ça permettait d'éviter qu'il y ait une armée fédérale de métier qui aurait donné beaucoup de pouvoir au gouvernement fédéral. Donc, le but était de sauvegarder le pouvoir des États. Et bon, c'était ce que disaient les partisans de la réglementation des armes. Les partisans du droit aux armes, ils disaient non, il ouvre le droit aux armes dans tous les cas. Et c'est la Cour suprême qui doit s'exprimer là-dessus. C'est la Cour suprême qui, aux États-Unis, dit comment il faut interpréter la Constitution. Et en 2008, la Cour suprême a dit oui, le deuxième amendement ouvre bien le droit aux citoyens d'avoir des armes. Alors, en fonction, effectivement, de ces arguments qui sont historiques, politique, quasi culturelle en fait, hein, c'est lié à une vraie culture. Tout à fait, on est bien d'accord. Culture des armes. Alors donc la question, nous, par réflexe en tant qu'Européens, ce serait de dire alors comment en sortir ? Comment peuvent-ils en sortir ? Mais je ne suis pas sûr que la question soit pertinente. C'est ont-ils envie d'en sortir ? C'est plutôt ça la question, non ? Depuis, ce que je dirais, c'est que depuis une cinquantaine d'années que ce débat est sur le devant de l'actualité, si vous me permettez l'expression, je dirais que les Américains tournent autour du pot. Oui. Ils veulent, en quelque sorte, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le droit aux armes, parce qu'ils pensent que c'est un droit politique, et puis que... Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Enfin, c'est important. Mais ils voudraient empêcher que ces armes soient mal utilisées. Donc, ils essaient, depuis tout ce temps-là, d'empêcher les délinquants et les gens qui ont des problèmes psychiatriques d'accéder aux armes. La grande difficulté, c'est que c'est très difficile de savoir qui a un problème psychiatrique, d'autant plus que observer le passé, regarder si les gens ont des antécédents, ça ne suffit rarement à prédire l'avenir. Quand on prend le cas d'un jeune comme à Parkland, c'est quelqu'un de très jeune. Donc effectivement, il avait des antécédents psychiatriques. Mais des antécédents psychiatriques, ça veut pas dire avoir être suivi pour un problème de dépression. Ça veut dire avoir été interné par décision de justice. Et donc, ça, c'est très très difficile d'empêcher les gens qui ont des problèmes psychiatriques d'accéder aux armes. Votre réponse explique pourquoi ce débat est si long et pourquoi les États-Unis, on peut toujours aux États-Unis acheter des armes et s'en servir. Alors on va écouter maintenant, coup sur coup d'ailleurs, en tout cas pas beaucoup d'intervalle entre les deux, Barack Obama et Donald Trump. Alors tout au long de son mandat, Barack Obama a connu des épisodes dramatiques de fusillade. Hein, l'un des événements importants fut celle de Newton, quelques jours avant Noël 2012, 27 personnes sont mortes dans une école primaire. On va écouter donc la réaction du président américain de l'époque à la suite de ce nouveau drame. Ici à Newtown, je viens offrir l'amour et les prières d'une nation. Je me rends tout à fait compte que les mots ne peuvent pas combler la profondeur de votre douleur, pas plus qu'ils ne peuvent soigner les cœurs. Pouvons-nous dire que nous donnons vraiment toutes les chances aux enfants de ce pays de vivre dans la joie et de donner un sens à leur vie? Je me suis penché sur cette question ces derniers jours. Et si nous voulons être honnêtes envers nous-mêmes, la réponse est non. Nous ne faisons pas assez. Et donc nous devons changer. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Ces tragédies doivent s'arrêter là. Et pour les arrêter, c'est nous qui devons changer. Dans les semaines qui vont venir, je vais faire usage de tous les pouvoirs pour engager mes concitoyens, depuis les personnels de sécurité aux professionnels de santé mentale, en passant par les enfants d'élèves et les éducateurs, pour faire que des tragédies telles que celles-ci ne se reproduisent plus. Quel autre choix avons-nous en réalité ? Nous ne pouvons pas accepter que ces tragédies deviennent une routine. Ah, je ne sais pas comment vous analysez cette déclaration d'Obama, alors qu'il était un président intellectuel, raffiné, humaniste. Bon, on avait rarement entendu un président américain parler comme ça des armes. Sans effet d'ailleurs, la preuve, mais bon. Pas récemment. La dernière fois, c'était Johnson dans les années 60. Effectivement, Obama, qui a essuyé une larme hein, lorsqu'il s'est exprimé au sujet de cette école, donc qui était véritablement ému, s'est engagé en faveur du contrôle des armes parce qu'il était dans son second mandat. Il aurait été dans son premier mandat, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que ça aurait... Là, c'était sans risque, quoi. Sans risque électoral, en tout cas. Il y a eu un risque électoral important. Alors, quel est le poids exact de la National Rifle Association, NRA, donc ce lobby qui milite en faveur de la possession et de l'utilisation libre des armes aux États-Unis? Et qui sont ces adhérents? C'est qui ces gens-là? C'est Monsieur Tout le Monde. Parfois, c'est des stars, Charlton Heston, notamment. Tout à fait. La NRA revendique 3 ou 4 millions d'adhérents. Alors, c'est un petit peu difficile à vérifier, bien sûr. Mais, en tout cas, il y a énormément d'adhérents. Et je me souviens que lorsque j'ai écrit mon livre sur les armes à feu, j'ai interviewé le responsable du principal groupe de pression pour la réglementation des armes, qui était responsable pour tout le sud-ouest des États-Unis. Et il m'a avoué qu'il était membre de la NRA également. Bon. Et donc, c'est la pieuvre. Parce que la NRA, c'est pas seulement... C'est une pieuvre. C'est pas seulement une association de défense du droit aux armes. C'est aussi une association très traditionnelle aux États-Unis, de gens qui pratiquent le tir parce que c'est une distraction et ils aiment ça. Et donc, c'est pas seulement un groupe politique. Et c'était même pas un groupe politique du tout au départ. C'était un groupe c'est une association qui a été créée pour entraîner les conscrits de la garde nationale au tir à la fin du 19e siècle, en 1870. Parce que il semblait nécessaire à cette époque d'aider la garde nationale sur ce plan-là. Donc ça n'était pas un groupe politique à l'origine. Et il a failli dans les années 70 d'ailleurs devenir un groupe de sport de plein air. Et c'est un groupe politique aujourd'hui ou non? Aujourd'hui, mais pas à l'origine. Non, mais c'est intéressant l'origine de la NRA. Alors on écoutait Barack Obama, on a le sens du contraste, alors on va écouter maintenant Donald Trump, et c'était après le drame de Parkland en Floride le 21 février dernier. Ce jour-là, il accueille les élèves et leurs parents à la Maison Blanche. Après avoir entendu des élèves, des parents de victimes, des enseignants de Parkland, mais aussi de Columbine et Sandy Hook, le président assure que le contrôle des antécédents judiciaires sera renforcé, et surtout il met sur la table une proposition. Armer les enseignants, environ 20%, dit Trump, des équipes pédagogiques. Une attaque, ça dure en moyenne 3 minutes. Il faut 5 à 8 minutes pour que les premières forces de l'ordre interviennent. C'est trop tard. Alors que si vous avez un professeur équipé d'une arme, il peut faire en sorte que ça se termine très vite. On va vraiment examiner ça de très près. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont apprécier cette idée. La réunion se termine. Donald Trump annonce que la semaine prochaine, il réunira ici à la Maison Blanche les gouverneurs de chaque État pour renforcer la sécurité dans toutes les écoles du pays. J'avais dit qu'il fallait pas juger, mais enfin, c'est quand même la pire réponse qu'on pouvait apporter à ceux qui disent arrêtez cette vente d'armes, c'est terrible, vous voyez les drames que ça fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une idée assez répandue aux États-Unis que la réponse à une mauvaise personne armée, c'est une bonne personne armée. Donald Trump propose d'armer les enseignants. Les enseignants, ils sont très majoritairement opposés, hein, 75%. Ça ne dépend pas de lui d'ailleurs. Hein, ça dépend c'est très local. Hein, l'État de Floride d'ailleurs a ouvert cette possibilité à ce que les enseignants soient armés, mais la décision doit être prise par le shérif et par le superintendant des écoles, c'est-à-dire l'équivalent du recteur, si vous voulez. Et dans le comté de Broward, ils y sont, qui est le comté où se trouvait Parkland, hein, et le shérif qui est démocrate est tout à fait opposé à cette possibilité. Apparemment, c'est pas demain la veille qu'on interdira, que les Américains interdiront le port et le vente, et les ventes d'armes en vente libre. Donc, merci infiniment Didier Combeau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Police américaine. Chez Gallimard, c'est aussi, aussi instructif. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Columbine, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui.